Alors bonjour Maxime, j'espère que tu vas bien et bonjour à vous, bienvenue dans le deuxième épisode de Artiste 3.0. Déjà, est-ce que tu veux te présenter ? Oui, avec plaisir, enchanté, je suis ravi que tu prennes le temps de m'interviewer, de mettre en lumière les monteurs, enfin en tout cas un monteur. Je m'appelle Maxime Pozzi-Garcia, je suis monteur essentiellement de pubs, clips et aussi de fiction de long métrage. J'ai fait ce choix d'être assez éclectique et d'être toujours dans des expressions au niveau du montage très différentes, très variées, et jamais m'enfermer dans un genre ou un format ou une durée de film. Voilà, en gros. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, très brièvement ? Oui, j'ai toujours été passionné de cinéma depuis ma tendre enfance. Donc, ça, ce désir de raconter des histoires et de... Donc, c'est un rêve, une sorte de vocation ? C'est quelque chose, en tout cas, qui était là en moi depuis très longtemps, oui. Aussi longtemps que je me souvienne, aussi longtemps que mes parents se souviennent, j'écrivais des histoires quand j'étais petit. Je regardais La Guerre des Étoiles en boucle en VHS à l'époque. Et j'ai toujours eu cette... ce désir d'écrire des histoires. Peut-être que je faisais partie de ces enfants qui aimaient développer leur imagination plutôt que d'être dans le réel tout le temps. Et j'ai toujours eu un besoin de m'évader dans la fiction, aussi longtemps que je me souvienne. Ensuite, vers l'adolescence, je connaissais pas vraiment le cinéma. Je suis pas venu d'un milieu qui favorisait on va dire un privilège d'enfant, de cinéaste ou un milieu culturel avancé, puisque mes parents étaient plutôt du monde ouvrier ou on va dire humble et simple. Donc ça a été un travail personnel de t'intéresser au cinéma ? C'est ça, et puis c'était aussi pas d'une zone de confort, mais en tout cas aller dans une zone de danger, parce que moi, pour mes parents, faire des études de cinéma, c'était pas vraiment ce qu'ils avaient envie pour moi, évidemment. Ils pensaient que c'était plus utile de faire des études de sciences, que des études de lettres déjà, et une vocation artistique, à juste titre, ça leur faisait peur. Donc ça a été toute mon adolescence, j'ai senti que j'avais pas envie de faire des choses comme Hippocagne ou des études de sciences. Donc j'ai rapidement compris que il fallait que je fasse du cinéma, il fallait que je m'accroche et que j'aille à l'encontre de tout ce qu'on voulait pour moi, quoi. Donc ça veut dire que t'as senti le besoin de t'auto-éduquer, entre guillemets, dans l'histoire du cinéma et dans ça s'est pas vraiment passé comme ça. En fait, j'ai eu un désir de cinéma déjà par rapport au blockbuster que j'allais voir avec mes parents. Donc rien de très film d'auteur ou pointu. Moi, j'ai toujours aimé la science-fiction. C'est ce qui m'a amené à être là aujourd'hui, à faire du cinéma et donc plutôt du film de genre, plutôt du film populaire. C'est ce à quoi j'avais accès dans une enfance en banlieue de Lyon. Voilà. J'étais pas dans un milieu privilégié, ni moins dans des établissements privilégiés. Et c'est vraiment quand j'ai fait une option audiovisuelle lycée Lumière à Lyon, que j'ai commencé à accéder à un niveau de connaissance du cinéma un peu meilleur, quoi. Voilà. Enfin, un peu plus pointu. Et j'ai commencé à constater qu'il y avait une histoire du cinéma plus riche et un monde du cinéma plus riche que juste du cinéma populaire de divertissement, quoi. Donc ça a été, tu vois ça comme un déclic ou tu vois ça comme le début ? Le début vraiment de mon désir de cinéma et de montage particulièrement, c'est quand j'étais adolescent que je faisais des films avec des amis et que j'ai insisté lourdement pour avoir un caméscope quand j'étais petit. J'ai fini par l'avoir, une caméra mini DV, et c'est là, je pense que c'est vraiment à ce moment-là. Peut-être pendant que de l'autre côté de la France, là, je faisais des choses avec court-tragement mini-DV. Moi, beaucoup plus jeune, je faisais déjà des petits courts-métrages avec mes amis tout le temps, en fait. Tous les vendredis, c'était notre rituel. On faisait des films d'horreur. C'était un peu ambiance Stranger Things, quoi, on va dire. Oui, donc, je me doute. Donc voilà, on était dans ce truc-là. Puis le montage... La vidéo, c'était à l'époque, il n'y avait pas encore de smartphone, donc c'était très inaccessible. Donc c'était bizarre pour la plupart de mes amis, des gens que je connaissais. Ils me voyaient sur un ordinateur, monter avec un ordi qui plantait toutes les deux minutes. Je montais des films des petits films, et j'ai découvert petit à petit la magie du montage comme ça. Et ensuite, au lycée, ça s'est vraiment perfectionné, tu vois. J'ai compris vraiment les enjeux du montage. On m'a appris qu'est-ce qu'était un raccord, qu'est-ce qui étaient les règles de raccord, et surtout la technicité du film, quoi. Comment filmer bien, comment faire en sorte que le montage soit fluide. Avant, je voulais que le montage se voie quand j'étais plus petit, et après, au fur et à mesure, j'ai bien compris que le montage le plus réussi, c'est celui qui est invisible. Donc ça, je pouvais pas l'apprendre tout seul avec mes amis au collège, quoi. Donc ouais, je vois. Mais du coup, par rapport à ce métier de monteur, pour beaucoup de personnes, c'est assez abstrait comme métier, dans la mesure où le montage, il voit ça comme un enchaînement de plans. Mais il ne voit pas vraiment le travail qu'il y a derrière dans la cohérence de la construction narrative vis-à-vis de ces plans. Donc comment tu expliquerais vraiment ce métier ? Pour quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne connaît pas ce métier, je dirais qu'être monteur, c'est vraiment, je le vois comme le marionnettiste qu'on ne verra jamais, mais on sait qu'il y a quand même quelqu'un derrière la construction du film. Donc monter un film, c'est avant tout faire des choix. Quand on voit une scène au cinéma, le but, évidemment, c'est pas que le montage se voit, mais derrière une scène qui fonctionne, qui est fluide, il y a une série de choix qui est vraiment colossale. Parce que, enfin, le principe est que pour, 90 minutes de film au cinéma, il y a 100 heures d'image. Donc à un moment donné, il faut les regarder, ces 100 heures. Il faut les choisir, il faut les mettre dans un ordre précis. Si c'était très simple, c'est-à-dire que si ce qu'on tournait était déjà certain, c'est-à-dire que tout ce qui a été storyboardé, découpé, était plein de certitudes au tournage, il n'y aurait pas besoin de monteur, oui, dans la logique des choses. Donc les gens comprennent mal ce que c'est un monteur, parce qu'ils se disent « mais ça a été tourné, il y a un clap, ils connaissent vaguement les techniques du cinéma », mais ils se doutent bien que il y a quand même encore du travail après le tournage. Et c'est ce travail-là qui, je rappelle, dure plus longtemps que le tournage lui-même en général. La post-production qui dure beaucoup plus longtemps que le tournage lui-même. Et la phase de montage qui dure à peu près le temps du tournage, et on peut lui rajouter un mois selon la complexité du film. En gros, monter un film, moi je dirais qu'il y a quatre niveaux. Il y a, premièrement, choisir les bonnes prises. Donc on va aller dans un premier niveau de jeu, c'est-à-dire valoriser le jeu des comédiens. Les comédiens, c'est de la matière humaine, donc il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, des choses hors sujet. Donc leur force de proposition, le monteur, il est responsable de la bonne, de la qualité du jeu des acteurs. Ça, c'est le premier truc. Donc on est quand même, on a un rôle déterminant dans le fait de, si on choisit une mauvaise prise, si on choisit une mauvaise intention, eh ben, on massacre une scène et on massacre une émotion potentiellement que le spectateur peut ressentir. Donc un monteur a le pouvoir de massacrer un film. Complètement. Mauvais montage, mauvais film, c'est aussi simple que ça. Même plus que le réalisateur, peut-être. Disons que c'est une continuité, parce que le réalisateur est quand même au montage. Donc je pense que souvent on voit que le réalisateur dans le processus créatif d'un film, le producteur, les acteurs... Et un peu le chef opérateur, c'est de plus en plus démocratisé, surtout parce que les films deviennent de plus en plus exigeants visuellement à notre époque. Donc on a tendance, le grand public a tendance à s'interroger sur qui filme aussi bien, qui fait une belle lumière. Mais le montage, on oublie souvent que c'est un des chefs de poste et que c'est une des plus grosses responsabilités, un des postes les plus responsables du film et de sa bonne fin. Parce que... Donc comme je disais, il y a quatre niveaux. Il y a donc la qualité du jeu. Ensuite, le deuxième niveau, je dirais que c'est... je ne sais pas comment l'exprimer. Je dirais que c'est plutôt le sens de la structure. C'est-à-dire qu'une scène, si je devais l'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent bien, une scène, elle est filmée dans beaucoup d'angles et dans beaucoup de valeurs. Angle, ça veut dire filmé depuis le sol, filmé en top shot, donc en plongée, filmé de loin, de près, donc ça c'est les échelles de cadre. Et moi, par exemple, si je prends une scène de dialogue, ce qui est une des choses les plus compliquées en fait à monter, même plus qu'une scène d'action au cinéma, une scène de dialogue, j'ai tellement de possibilités, tellement d'angles, tellement d'axes. Certes, il y a des choses qui sont pensées au tournage et à l'écriture du film, mais le monteur est face à une infinie possibilité de montage, en fait. Donc, déjà, voilà, il y a cette notion de structure, de rythme, Et par exemple, face à un dialogue, moi je trouve que c'est la meilleure des choses, il y a souvent un champ contre champ, donc une caméra sur le personnage 1 et l'autre sur le personnage 2. Est-ce que je fais le choix, moi, de mettre beaucoup plus d'écoute, c'est-à-dire de quelqu'un qui écoute l'autre parler et qui reçoit ses paroles, qui joue, que par exemple quelqu'un lui apprend une mauvaise nouvelle au héros, est-ce que je dois être dans la parole ou dans l'écoute ? C'est ça le rôle du monteur, c'est de choisir le dosage entre qui écoute, qui parle, qui se regarde. C'est de la narration visuelle. C'est de la narration visuelle et c'est ce qu'on appelle aussi du non-dit. C'est-à-dire que moi, je dois mettre en valeur, par exemple, quelqu'un qui apprend une mauvaise nouvelle et qui retient ses larmes, si je le montre bien, si l'acteur a joué ça, je dois peut-être modifier ce qui a été fait dans le tournage. C'est-à-dire que je dois peut-être déclencher cette émotion un peu plus tard que ce qui s'est passé au tournage, et je dois combiner plusieurs prises pour faire monter cette émotion-là. Donc il y a tout un travail artisanal de composition pour orienter l'émotion du spectateur dans la salle de cinéma sans qu'il s'en aperçoive vraiment. Après, il y a un troisième niveau, c'est réparer les erreurs. Ça, c'est quand même le travail d'un monteur, c'est-à-dire qu'on fait du maquillage. Réparer les erreurs physiques ou les erreurs dans l'histoire et la narration ? Il y a toutes ces dimensions-là, c'est-à-dire qu'il y a réparer... c'est un peu de la cosmétique, le montage. C'est-à-dire que, des fois, bon, l'exemple le plus connu, c'est des faux raccords. Donc, le tournage, par exemple, s'est étalé sur plusieurs jours. Du coup, l'actrice ou l'acteur est plus fatiguée. Sur son visage, ça se voit. La coiffure est pas exactement la même. Il y a des problèmes de raccord de mouvement. Exemple, un personnage s'allume une cigarette avec la main gauche. Trois prises plus tard, c'est la main droite. Il y a eu une inattention sur le tournage. Ça arrive systématiquement. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Si le jeu est bon dans une prise et dans l'autre, et qu'il y a un faux raccord entre ces deux prises, eh ben je vais quand même prendre le faux raccord, je vais prendre ce risque-là, et le faire oublier par des stratégies de diversion, un peu comme un magicien va faire oublier. Un détournement d'attention. Un détournement d'attention. Donc on a quand même cette technique de maquillage, c'est-à-dire d'enrober les erreurs pour pas qu'on les voie, et concentrer l'attention du spectateur sur d'autres choses. Les autres erreurs majoritaires, et ça c'est le quatrième niveau, on peut dire, c'est la narration. C'est-à-dire que le montage est narration. Et la narration est montage. On peut pas dissocier l'un de l'autre, et c'est depuis la nuit des temps et les origines du cinéma, on a bien compris ça après les vues lumière, qui sont des plans-séquences. Dès qu'on a commencé à monter des films, donc Naissance d'une Nation, c'est un peu le premier film monté de l'histoire du cinéma, que je recommande à tout le monde de le voir, même s'il est muet, que c'est un film de Griffith qui parle de la guerre de sécession aux États-Unis, et on comprend le pouvoir du montage ou l'effet Kouletchov dans les films russes. En fait, ce qu'on comprend du montage, c'est que... Les Russes, ça a été les premiers à vraiment porter une énorme attention au montage. Alors là, il peut y avoir une bagarre USA-Russie. Hein, je te laisserai voir ça de ton tu côté. Tu ne prendras pas de parti. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas du tout prendre parti là-dessus. Mais je pense qu'en tout cas, il y a eu une... On va dire internationalement, il y a eu une prise de conscience que le montage était la clé de la narration dans un film. Voilà, c'est ça. Même s'il y a des plans-séquences, comme le film 1917 qui est sorti récemment. Trois plans-séquences. Ouais, bah, en fait, il y en a plus. Hein. Mais plans-séquences. Voilà, mais la notion de montage, on est censé ne plus voir les points de montage, mais en fait, elle est essentielle, parce qu'ils ont bien dû découper ce tournage en morceaux et se poser la question de comment effacer les points de montage pour que ça... Ce soit un espèce de film total plan-séquence. Que pour expliquer, c'était pas des vrais plans-séquences. Non. Et c'était une sorte d'assemblage de plusieurs plans-séquences avec des transitions invisibles, comme des personnes qui passent devant la caméra, la fumée. Des effets de volet, oui. Bah, c'est encore une fois de la cosmétique, hein, on y revient toujours. Et toi, tu en as déjà fait des choses comme ça ? Oui, plein. J'ai fait même une fois, je me rappelle, un clip pour Nora Jones où il fallait que ce soit tout un plan-séquence et la caméra était sur grue. Elle était dans une barque. Et d'un coup, en fait, il fallait passer à travers des plans sur l'eau, en fait, autour de la barque. On arrivait à faire des espèces de ce qu'on appelle de volets. C'est-à-dire qu'on pouvait, il coupait, en fait, on va dire que le plan 1, on filmait Nora Jones sur la barque, puis ensuite la caméra panotait en bas vers l'eau. Donc panotait, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'elle bascule vers le bas, vers l'eau. Et le plan 2, en fait, on repart de l'eau pour aller derrière la barque. Donc il y avait une continuité invisible et c'était à moi de trouver le bon point de montage sur les vaguelettes. Et après, il y a un petit peu d'effets spéciaux, comme dans 1917, de ce qu'on appelle des morphings. Ou... Et toi, tu en as fait tu fais un peu d'effets spéciaux ou tu confies ça à des équipes Non, je fais des maquettes. Souvent, on me demande de maqueter des effets spéciaux pour donner une idée. Par exemple, si un personnage sur un fond vert qui est censé être devant une ville en feu, évidemment, je vais effacer le fond vert et mettre derrière une image de stock, enfin une banque de données où je vais avoir une ville en feu derrière. Je maquette pour avoir une idée. Donc un effet spécial grossier pour prévisualiser un petit peu le... Puis pour avoir, comme je disais, la notion de structure, de temps et de rythme. Ah, d'accord. Et donc pour finir sur ces histoires de qu'est-ce que le montage, voilà, ce dernier point est très important. Donc le montage, c'est de la narration, c'est-à-dire qu'on peut changer complètement la narration d'un film au montage. Il y a des scènes qu'on imagine capitales, mais qui fonctionnent pas. On ne sait pas pourquoi elles ne fonctionnent pas une fois montées et intégrées dans le film. Elles jurent avec le reste du film. Donc il faut s'en débarrasser par tous les moyens. Et du coup, ça génère un manque dans le film. Et il faut trouver d'autres transitions. Et la notion de transition dans le montage est fondamentale, en fait. C'est-à-dire que le montage a comme but la fluidité et la compréhension du film. Donc, mon travail, c'est quand même d'avoir cette exigence de faire en sorte qu'on comprenne toujours tout, à tous les moments du film, et qu'on comprenne toujours l'enjeu d'une scène, qu'on se perde pas. Parce que dans une scène, il se passe beaucoup de choses, mais le montage est là pour mettre en relief un enjeu. Exemple... les fameux exemples, un dialogue, et il y a une bombe sous la table qui est en train d'être en compte à rebours, qui s'active. On ne sait jamais à quel moment elle va exploser, donc c'est ça l'enjeu. Le montage va montrer la bombe très souvent, par exemple, mais à des rythmes très ingénieux pour nous rappeler l'enjeu. Un peu comme dans Inglourious Basterds, avec la scène d'ouverture où la bombe, donc c'est les juifs cachés. Ouais, c'est ça, exactement. C'est toujours le même mécanisme. Là, on parle de mécanisme de suspense. C'est pareil. Là, c'est l'élastique qu'on étire. Voilà, il faut dilater ce truc-là. Et le montage, c'est ça, en fait. C'est de la narration, et ça m'amène au dernier point. Le montage, c'est du rythme. Et le rythme d'un film, il se fait à l'échelle d'une scène, il se fait à l'échelle d'un plan. Donc, c'est-à-dire, on va dire, un rythme microscopique. On laisse un clignement d'œil en plus. Exemple, deux personnages vivent une rupture, une scène de rupture, un homme quitte une femme ou une femme quitte un homme. Est-ce que je décide de faire en sorte qu'ils se regardent longuement et ensuite que je reste sur le personnage qui a été quitté et que je le laisse s'enfermer dans sa douleur, hein, ou est-ce que, au contraire, dès que le personnage qui a quitté l'autre... s'en va avec force, etc., je coupe la scène. Voilà, c'est des choix de rythme intrinsèque à la scène, c'est-à-dire que plus je fais durer sur le personnage triste qui vient d'être quitté, plus je sais que ça va redéfinir la trajectoire de ce personnage, en fait. Si je coupe avant, ça veut dire que c'est l'autre personnage qui nous intéresse le plus et qui est le moteur dans le film. C'est des exemples un peu bêtes, mais... Tout le montage est comme ça, en fait. Donc tu peux t'amuser, à partir du montage, à changer littéralement l'histoire du film ? Je dirais pas changer littéralement, parce qu'à l'échelle quand même d'un long métrage, il y a un scénario et il y a des bases narratives qui sont incontournables. En revanche, la façon de les amener, de les raconter, voire l'ordre dans lequel elles arrivent, elle peut être complètement changée. Par exemple, l'exemple le plus banal, c'est... Pulp Fiction ? Pas forcément par rapport à des films qui existent, mais par rapport en général, les gens sont habitués. Maintenant, ils sont habitués. Avant, ça se faisait pas trop, mais avoir ce qu'on appelle un flash forward, donc ça veut dire un effet d'annonce, un teaser au début du film, où on rentre dans la salle de cinéma et on voit qu'un personnage est au bord d'un précipice, cut 5 mois plus tôt, et on suit ce personnage où sa vie tout va bien. Club. Exactement. Donc ça, c'est des décisions de montage. Ça peut être écrit, mais j'en doute souvent. C'est souvent des décisions au niveau du montage. On se dit, il nous faut quelque chose de très fort au début parce que le film met trop de temps à se mettre en place. Boum, on va mettre un truc comme ça qui nous accroche et on va bien voir comment notre personnage en est arrivé là et ça met un enjeu. Ça, c'est typiquement des décisions de montage. Après, il y a de plus en plus de films qui sont montés à l'envers, un peu comme Irréversible ou Memento. Ouais, Memento, c'est un très bon exemple de reverse editing. Ah, y a un terme pour ça, reverse editing. Je sais pas, j'appelle ça comme ça, j'en sais rien. Je trouve ça marrant comme nom. C'est vrai que c'est drôle. Et donc, tout ce que tu viens de me dire par rapport à ta définition du montage, tu t'en es rendu compte avec l'expérience ou il y a eu un moment spécial en particulier où tu as eu ce déclic et où tu t'es dit, le montage, c'est pas qu'une notion technique, ça a une dimension artistique infinie. Donc, comment ça s'est passé, cette prise en compte ? Au début, quand j'ai commencé à monter, je m'en suis déjà rendu compte pendant les études que j'ai faites, au lycée, en prépa ou à la fac. Je me suis quand même rendu compte assez rapidement que le montage, c'était avant tout une exploration intuitive. Voilà. Je me raccrochais à la technique. Plus jeune, j'aimais beaucoup la technique. J'étais fasciné. C'était le début, en plus, de la performance des logiciels de montage. Final Cut, Avid devenait de plus en plus performant. Les ordinateurs sont devenus de plus en plus performants. Entre le moment où j'ai eu 16 ans et le moment où j'ai eu 25 ans, il y a eu un bond prodigieux. Tout le monde pouvait avoir un Mac et monter, avec en plus des smartphones où tout le monde pouvait faire ses vidéos. Donc il y a quand même, un truc qui s'est complètement métamorphosé technologiquement. N'importe qui peut faire du montage maintenant et des vidéos. Donc il y a eu un profond changement. Tu trouves ça positif ou négatif de savoir que tout le monde peut techniquement faire du montage ? Non, moi je m'en fiche, parce que la technique dans le montage, pour moi, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est 10%, c'est 10% de ce qu'est le montage, voilà. En fait, pour répondre à ta question, je me suis aperçu rapidement que le montage, c'était pas que de la technique. Beaucoup de gens y voient, imaginent, le grand public imagine que le monteur, c'est un technicien qui va mettre bout à bout des plans, et que tout est déjà tracé, et que... Ben en fait, non, on est un peu des docteurs, quoi. C'est-à-dire, on est des docteurs, des alchimistes, des maquilleurs. Moi, je dirais que c'est ça le rôle d'un monteur. C'est-à-dire qu'on va essayer d'embellir déjà les idées qu'il y avait au tournage et au scénario. On dit du montage qu'il est la troisième écriture du film, et je pense que c'est pas du tout une réputation volée, parce que nous, monteurs, je vais mettre des gens à dos en disant ça, mais en télévision, où les choses sont très codées, non. Hein, pour du flux, du journalisme, il n'y a pas une marge de créativité énorme. Mais même déjà dans la pub, dans les courts-métrages, dans les clips, il n'y a pas que dans la fiction où il y a une marge de manœuvre énorme. Et ça s'ouvre ou ça se ferme ? Tu penses que les monteurs ont de plus en plus de liberté ou de moins en moins de liberté ? Je pense que ça dépend de la confiance qu'on leur accorde et de leur réputation. Mais j'ai l'impression que... on donne aux monteurs quand même souvent la carte blanche parce que... malheureusement, il y a aussi beaucoup de contenu. Comme il y a beaucoup plus de contenu qu'avant, il y en a de moins en moins qui est bien écrit. Donc on remet au monteur une masse d'informations et de rush, et c'est à lui souvent, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais on est souvent face au fait de devoir écrire nous-mêmes les choses qui n'ont pas été écrites ou pensées. C'est souvent le cas du documentaire. Le documentaire, c'est le meilleur exemple. On va tourner des fleuves et des fleuves d'images, et puis le monteur doit se débrouiller avec ce truc-là et raconter quelque chose, dramatiser la réalité. Donc ça veut dire que le monteur et le scénariste, ils sont intrinsèquement liés. Bah, sur un documentaire, il y a rarement de scénariste, et le scénariste en fiction, une fois qu'il a écrit son scénario, il n'existe plus. On le consulte une ou deux fois, mais c'est tout. Donc je dirais que le monteur se retrouve avec le réalisateur ou pas, ça dépend des configurations, à réécrire un film. C'est très souvent le cas. Donc on a un travail d'écrivain. Donc ça veut dire que la première écriture, ça va être le scénariste. La deuxième, ça va être le tournage. Donc celle du réalisateur. Celle du réalisateur. La troisième, celle du montage. Ouais. Et la quatrième, la musique. Disons que la troisième étape du montage va avec la musique. En général, on reçoit des musiques et on joue, nous, déjà avec les musiques. Donc on va dire que cette troisième écriture inclut montage-musique. Et son, je dirais que ça va tout ensemble. Donc il y a trois réécritures ou t'envoies une. Moi j'en vois pas d'autres. On pourrait dire que les effets spéciaux peuvent en être une quatrième parce qu'on peut quand même modifier beaucoup de choses. Et c'est pas lié au montage, mais c'est aussi lié au montage. Donc je dirais que trois écritures c'est le max qu'il y a sur un film en vrai. Au fond, après le montage il y a quoi ? Du son, sauf qu'on met. Enfin moi je parle pour. La façon dont avec laquelle je travaille, mais la plupart des monteurs, on met du son maquette, des effets visuels maquette, on pré-étalonne des fois, et on met des musiques maquettes. Donc en fait, c'est vraiment la finalisation du film, elle est déjà entre nos mains, quoi. Et après, ça va être de la sophistication, du raffinement, plus que d'un profond bouleversement. C'est-à-dire que les étalonneurs qui vont régler donc, la couleur du film, la chromie du film, vont amener leurs pattes, leurs touches, mais ça va pas bouleverser la narration du film, c'est impossible, c'est juste donner un look. Le monteur son peut changer, le son est très important dans le montage image déjà, mais il va pas bouleverser la narration, il va l'améliorer, la préciser. Donc je pense que vraiment le montage c'est l'étape ultime de la fabrication du film. Et souvent, bah voilà, on le voit comme une étape très technique, qui va très vite. Quand le grand public ne se rend pas compte qu'en fait, il y a des films qui sont détruits carrément au montage. Il y a des films qui sont bouleversés, remis en question profondément au comme montage. Comme Suicide Squad. Oui, voilà, c'est un exemple. J'ai cet exemple en tête. Et par exemple, moi j'ai un exemple, c'est un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Témoins de Téchiné, qui parle des débuts du sida dans la société française, enfin à Paris. Et ce que j'aime beaucoup dans les interviews que j'ai vues sur ce film, c'est qu'à la base il devait être linéaire et finalement ils ont décidé de tout rembouleverser au montage et de faire une logique de portrait. Donc le film. Il n'y a pas que des choses antichronologiques comme Memento, il n'y a pas que des choses, on va dire, des remontages qui bouleversent toute la narration, il y a aussi des montages qu'on peut appeler thématiques. Ça existe souvent, des remontages thématiques. Donc portrait, pour moi, c'est thématique. C'est-à-dire, on va prendre la logique du portrait, de suivre un point de vue, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Il peut aussi y avoir un remontage chronologique où le temps devient extrêmement important, c'est-à-dire qu'on va mettre des époques, des cartons, et on va bien rythmer le temps et faire des ellipses très marquées. Donc tu vois le film comme une dissertation et le montage comme la manière dont on va agencer le plan. Je dirais, je vois plutôt le film, enfin la production, donc le tournage d'un film comme une exploration spontané du vivant, des choses vivantes en fait. Il se passe plein de trucs qui nous échappent, les acteurs peuvent être fatigués, ça va changer la scène, et comme une logique d'accident, c'est-à-dire il va y avoir plein d'imprévus. C'est ça un tournage, c'est gérer des imprévus et le scénario qui a été écrit, donc la première écriture, se confronte à la réalité de sa faisabilité, à la météo capricieuse, à un acteur capricieux, à un réalisateur qui d'un coup perd le contrôle sur son film et à une lutte d'ego. Donc ça va être plutôt la mise à l'épreuve de son univers, de son histoire. Enfin, il se prend la réalité dans la gueule, en gros. Et le montage, ça va être le travail de deuil, parce que ça, c'est très important, de ce qui n'a pas pu fonctionner, mais aussi de régénération. C'est ça qui est très positif dans le montage, c'est qu'on va se dire, on n'a peut-être pas ça, mais on va réussir à fabriquer un truc nouveau, qui est inattendu et qui est peut-être même mieux que ce que la personne imaginait avant de tourner son film. Donc le montage, c'est plus une sorte de renaissance après le chaos de la vie, en fait. Et c'est aussi une étape intellectuelle. C'est-à-dire, on prend du recul, on s'assoit, le réalisateur doit malheureusement affronter ses échecs et ses victoires. Il y a des victoires inattendues, des scènes beaucoup plus intéressantes que ce qu'on imaginait au scénario et beaucoup plus fortes. Tout est bouleversé, hein. C'est rare d'avoir une copie conforme de ce qu'on imaginait, même pour... Je sais pas, mais même pour des gros blockbusters, de ce que j'ai entendu, et d'amis aussi qui ont travaillé sur des grosses machines américaines, on est aussi très surpris. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Hein. Le dernier Star Wars a été totalement remonté 50 fois, et c'est pas une grosse surprise. Le montage, c'est remettre de l'ordre dans le chaos et dans l'inattendu, et essayer de, malheureusement, souvent, de guérir des choses malades. Il y a aussi un truc qui est très important, c'est qu'il y avait peut-être des choses qui étaient malades dans le scénario, sauf qu'on ne savait pas, en fait. Des choses qui fonctionnent quand elles sont écrites, et puis quand on les voit jouer dans la structure, donc dans, par exemple, le premier ours du film, l'ours, c'est un montage grossier, bout à bout de tout, fait rapidement pour avoir une idée du film général. Et pour les projections test aussi, du coup ? Non, ça vient après, parce que projection test, c'est déjà quand on est... Enfin, on va pas prendre le risque de montrer un film à l'étape d'ours à des gens parce qu'il ressemble à rien, tu vois. C'est un truc monstrueux qui n'a aucun sens et qui souvent est très long. Ça peut faire plus de 2 heures. Pour un film de 1h30. Voilà, pour un film qui doit aller vers 1h45 en moyenne ou 1h30. Donc voilà, il y a le montage, c'est ça aussi. C'est un peu remettre de l'équilibre dans le déséquilibre de la réalité, voilà. Donc c'est une espèce de sagesse qu'il faut avoir en montage et de patience. Ah, je vois. Mais du coup, tout à l'heure, tu avais parlé d'un terme sur lequel je voulais revenir, le terme du rythme. Tu m'as dit que tu rythmais tes scènes en fonction des acteurs, en fonction des dialogues, en fonction de la scène. Mais est-ce que tu portes une grande attention sur la musique ? Moi, je travaille énormément avec la musique. Je sais qu'il y a des monteurs qui veulent pas, qui essaient de se détacher. Moi, j'ai toujours aimé beaucoup la musique. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de clips, donc je pense que ça a un lien. Et je trouve que la musique, Alors, j'aime pas quand elle souligne trop ce que j'essaie déjà de faire passer par l'image. Donc, t'aimes pas les réalisations très clippées qui sont... Oh, ça me dérange pas, j'ai fait un peu de tout, mais... Comme Edgar Wright, qui vraiment rythme ses scènes en rapport avec la musique. C'est pas quelque chose dont je suis fan, non, ouais. Parce que là, c'est vraiment poussé à outrance. Mais tu préfères un juste milieu entre l'absence de musique et une scène totalement clippée. Pour moi, la musique, c'est un personnage du film. C'est-à-dire que moi, j'adore les BO, en tout cas les soundtracks, qui ont une identité et qui ont un thème fort que je vais retenir et qui est décliné de plein de façons différentes. J'aime pas les trucs trop foisonnants, où il y a plein de musique dans le film, ou des musiques non originales, donc des musiques additionnelles, ramenées du genre un rap, un R&B, un rock très connu. J'ai un peu de mal avec ce truc-là, parce que je trouve que, pour moi, le cinéma, c'est une œuvre de création totale. Donc j'aime bien moi, travailler en lien avec le compositeur, souvent. Donc tu préfères la page blanche Je trouve ça beaucoup plus pur, et puis surtout, c'est motivant, parce que le film commence à émerger au montage... En même temps, une musique... Moi, je parle beaucoup avec les compositeurs. Donc, j'ai un dialogue avec eux. Enfin, moi, le réalisateur et les compositeurs, on parle ensemble. Et j'aime bien voir la musique naître en même temps que le film naît. Des fois, ce qui est très surprenant quand on reçoit un morceau, c'est qu'il est prévu pour, par exemple, la scène de bagarre ou le duel au pistolet, j'en sais rien, comme le western que j'ai monté. Et en fait, cette musique-là, on l'essaye... Donc le compositeur nous l'envoie, on l'essaye sur la scène, et puis là on se dit, merde, c'est vraiment pas bien, quoi, c'est lourd. Mais par contre, cette musique serait parfaite là où on a besoin de renforcer, de muscler les émotions et la narration. On l'applique, et là c'est génial. Donc souvent c'est un peu comme ça, il y a beaucoup d'improvisation dans le montage, dans la musique. Il n'y a rien qui est vraiment... C'est comme le tournage, quoi. Rien n'est complètement bloqué, défini. Il y a beaucoup d'intuition, voilà. C'est pour ça que tu aurais du mal à travailler avec des réalisateurs comme Sergio Leone, qui ont déjà la musique faite et composée avant le tournage pour pouvoir l'exploiter pendant le shoot des scènes. Ouais, moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup des musiques qui étaient prévues à l'origine, qui ont dû bouger. Je crois pas du tout à ça. Il y a d'autres choses, moi, qui m'éblouissent. C'est comme Miles Davis qui a fait ce film pour Louis Malle, je crois. Oui, c'est ça. Tiré sur pianiste, je crois. Ou Ascenseur pour l'échafaud. Ascenseur pour l'échafaud. Oui, mais Tiré sur pianiste, c'est quelque chose d'autre. Ouais, j'ai un bug. Bref, en tout cas, ce voilà, un pro jazz en une fois... Pour tout un film. Ça, c'est génial, mais c'est un exemple très rare au cinéma. En général. C'est Miles Davis. Voilà, on va pas demander à Miles Davis de refaire sa musique 5 fois pour un film. C'était pas possible. C'est pas utile non plus. On était face à un virtuose, voilà. Donc, non, la musique, et aussi, il y a un truc que je travaille énormément, c'est le son. Parce que le son raconte tellement de choses. Une voiture qui crisse dans la rue en hors-champ, c'est 100 fois plus fort sur un regard que quelqu'un qui va dire « Oh, j'ai aperçu une voiture, j'ai vu un accident par la fenêtre ». Voilà deux façons de raconter la même scène. Alors que, par exemple, dans un scénario, on va avoir beaucoup de dialogues pour qu'on comprenne bien. Et moi, au montage, je vais en enlever souvent avec le réalisateur pour qu'on bascule plus dans le non-dit. Et si c'est bien joué, qu'on a des regards qui expriment tout, je vais plutôt mettre du son d'un événement qu'un récit de l'événement. Donc, tu es plus dans du contemplatif plutôt que dans de l'information explicite ? Pas forcément du contemplatif, mais j'essaye d'en faire en sorte qu'on dise des choses vraiment parce qu'on en a besoin. J'essaie toujours de mettre le moins possible de blabla et le plus possible de... Pour moi, le cinéma, c'est des regards, c'est de l'émotion, c'est du non-dit, c'est... Et puis surtout, je fais confiance à l'intelligence des spectateurs quand je monte un film. C'est-à-dire que des fois, au lieu d'avoir une longue scène de dialogue qui nous explique beaucoup de choses, eh ben, c'est mieux d'avoir une ellipse très forte entre deux scènes. Donc une ellipse, c'est un temps, une coupure dans le temps ou un choc temporel. Voilà. On dit 100 fois plus que des longs discours sur le changement d'une situation, le changement d'un personnage ou quelqu'un qui perd un personnage, un proche dans un film ou quelqu'un qui meurt dans un film, bah boum, on raccorde tout de suite sur l'enterrement, bah c'est 100 fois plus fort que d'expliquer le chagrin qui est lié à la disparition d'un personnage. Souvent, on le voit d'ailleurs au cinéma, c'est souvent ce qui est fait. Donc tu aurais du mal à bosser avec Tarantino, par exemple? J'en sais rien. Moi, je m'adapte. Mon travail, c'est aussi de m'adapter à tous les... À tous les styles de films. Je suis pas fermé, moi. Il y a peut-être la comédie, j'ai un peu plus de mal. Mais quand tu dis aussi que tu t'adaptes, tu t'es adapté aussi sur le clip? Parce que... est-ce que tu t'es adapté, par exemple, à l'enjeu de la communauté? Parce que du coup, tu as bossé avec Rihanna, Taylor Swift et beaucoup de, d'artistes assez influents avec des communautés assez, assez massives. Est-ce que tu t'es senti obligé de t'adapter à cette communauté par rapport à certains choix de montage, ou tu t'es affranchi de toute exigence extérieure? Qu'est-ce que tu appelles communauté? La fanbase? Oui, la fanbase. Okay. Les gens qui suivent sur les réseaux sociaux... Bon, alors j'ai eu la chance d'être un peu épargné de ça, parce que à l'époque où j'ai monté beaucoup de ces clips, les réseaux sociaux étaient moins puissants que maintenant et moins dans le jugement que maintenant. Moi, j'ai jamais fait un montage en fonction des gens qui vont regarder le film, en pensant tout le temps à eux ou en pensant à comment les fans vont recevoir tel ou tel clip. Donc tu penses à toi, tu penses à tes proches, tu penses à quoi en particulier? Non, je pense à l'artiste déjà, parce que l'artiste, c'est la première personne que je dois convaincre et qui demande en général beaucoup de modifs, qui a beaucoup d'exigences. Faut pas oublier quand même que quand on fait de la pub ou du clip, on est avant tout au service d'un client. C'est pas... C'est une commande. C'est une commande, hein. Y a un but, c'est quand même vendre de la musique, vendre une image. Ça peut être changer l'image d'une marque, ça peut être faire évoluer la carrière d'un artiste, choquer. Donc j'ai des objectifs. Si je me préserve pas de ce que pensent les gens sur les réseaux sociaux, par exemple, je ne lis jamais les commentaires qu'on fait. Par exemple, j'ai fait... des clips où il y a des millions et des millions de vues, des milliers de commentaires, je ne les lis pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne lis jamais les critiques d'un film. Donc tu t'affranchis vraiment l'opinion des personnes qui vont consommer ton travail? Bah ouais, parce qu'en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est stérile, que l'artiste... Ouais, c'est stérile, et puis si j'en tenais compte, qu'est-ce que je ferais? J'enlèverais une scène parce que ça ne plaît pas aux gens. Je ne raconterais pas... en fait, je tuerais toute ma créativité... Je me censurerais pour rien, et en plus, il y aurait pas d'audace, parce que on est dans une époque où il peut pas y avoir trop d'audace en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on est trop provocateur, quand un artiste essaye de trop évoluer ou de changer son image ou de proposer quelque chose de complètement différent, il y a une réaction immédiatement négative. Et tu vois ça comme un problème ? Je vois ça comme un problème. Après, j'ai pas envie de dire qu'on est dans une époque d'idiots ou plus bête qu'il y a 10 ans ou 20 ans, mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont quand même un aspect très négatif, c'est la normativité de la pensée. Donc... j'essaie de m'affranchir de la pensée unique, rapide et facilement consommable qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et qui, dans la vidéo, vu que l'outil vidéo est de plus en plus utilisé, moi je suis concerné immédiatement quand je suis monteur, j'essaie de me préserver de la critique facile et un peu impulsive des gens qui n'essayent pas de comprendre ou d'analyser vraiment ce qu'on leur propose. Ils vont dire... Non mais là, Rihanna, c'est devenu une biatche, c'est n'importe quoi, c'est complètement nul, on comprend pas ce qu'elle veut faire. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir fait mon travail correctement, d'être allé au bout de la vision de l'artiste. C'est ça, en fait, mon travail. On me paye pour aller au bout de la vision de l'artiste et proposer des choses que les gens n'avaient pas imaginées. C'est ça, mon travail. Mais par rapport à ça, tu parlais des réseaux sociaux. Est-ce que tu as pu observer, en tant que consommateur, mais aussi en tant que faiseur, ouais, un certain changement par rapport à la pub ou à la publicité, par rapport à la publicité ou le clip, par exemple, entre la période MTV, où toutes les publicités, tous les clips étaient à destination de la télé, ouais, exclusivement, et où maintenant, ces formats sont à destination des réseaux sociaux et d'Internet. Est-ce que tu as pu observer un changement ? Moi, le changement majeur que je vois et qui m'attriste énormément, c'est que les gens, maintenant, ne prennent pas le temps de regarder ce que je fais. Donc, c'est le taux de rétention que tu trouves embêtant ? C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en plus, les gens se permettent... Pas tous, hein, y a des gens qui aiment, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas vu les choses qu'ils critiquent, en fait. Ça, c'est un truc qui me sidère, parce que je vois bien les statistiques de visionnage. Et on est bien au courant que... ce que ça a changé, en tout cas en montage, dans l'implication que ça a vraiment dans mon travail, c'est qu'il faut happer et captiver les gens en 10 secondes. s'ils sont pas captivés en 10-15 secondes, ils vont zapper. Donc ça, tu vois ça comme un problème par rapport à il y a... Je vois pas du tout ça comme un problème. Moi, je considère que c'est une évolution. Le cinéma, les médias ont toujours évolué hein. Avec la technique. C'est un art technologique, le cinéma. Il a été créé comme ça par les Frères Lumière et il évoluera toujours comme ça. Donc moi, je vois ni de problème, ni de tristesse, ni de choses. Je vois juste que moi, je dois m'adapter à ça. C'est-à-dire que autant je regarde pas les critiques débiles des gens qui vont dire que c'est de la merde ou je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas. Par contre, je suis conscient que moi-même, quand je suis sur Netflix ou quand je suis sur YouTube, je vais zapper si ça m'intéresse pas. Bah, évidemment, quand je suis en salle de montage, j'insiste aussi auprès des réalisateurs en disant là, si on met ce plan chiant où il n'y a pas d'enjeu dans les 10 premières secondes, personne ne regardera ce clip. Souvent, on me répond « Ouais, mais de toute façon, les gens regardent pas le clip, ils le mettent en soirée, ce track, sur YouTube. » Ce qui est vrai. C'est ça qui fait, en fait, le plus de vues. Les gens ne regardent pas vraiment les clips. Juste, ils le consomment. Ils le consomment pour mettre de la musique. Ça passe derrière, en soirée. Il y a des gens qui vont zioter un peu. Donc, c'est ça, en fait, la vraie destinée d'un clip. Après, moi, je sais qu'il y a des gens qui vont le regarder. Il y a des gens qui... Il y a genre un ou deux clips par an qui sont des clips d'anthologie, alors on espère toujours tomber dessus. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur des clips où il y a eu des réactions, où les gens les ont vus. Celui de Eddie Depreton, par exemple. Ouais, voilà. On était plusieurs monteurs parce que je devais partir sur un long métrage, mais c'était par exemple un. Je sais que c'est un film qui a fait beaucoup parler, il est souvent cité, etc. Lequel ? Celui d'Eddie Depreto, Random. Ah, c'est ça. Ça, c'est le genre de clips qui sont un peu exceptionnels et qui, on y met un grand soin. Et là, je me sens pas comme avec une grosse star américaine. D'un coup, je me sens plus créatif et je vois ça comme un film, en fait, comme un court-métrage. Et je me pose pas trop ces questions de hooking, donc d'accroche au début du film. En revanche, il est évident que si je retravaille pour des grosses stars bientôt, je vais forcément me poser ces questions. Je pense qu'en 10 ans, les choses ont tellement changé que si en 5 secondes, il se passe pas quelque chose de fort, les gens ne regarderont jamais ce clip. Sauf que là, maintenant, on en est là actuellement. Peut-être que c'est qu'une supposition, peut-être que c'est dû à la publicité YouTube, où c'est zappé... après 5 secondes, et du coup, on a 5 secondes pour vraiment attirer le regard. Peut-être que ça a joué, c'est qu'une supposition. Oui, c'est... Ou la publicité pas que sur YouTube, en général. Après, tu sais, on en est conscient, parce que moi, je fais aussi des pubs. Je travaille beaucoup en pub. Donc, à un moment donné, si je suis pas conscient de ça, je peux pas monter un film, un clip ou une pub sans me poser la question de comment faire en sorte que les gens restent, quoi. Ça va être un des enjeux de montage. Ça va pas être le seul. Il faut que je raconte une histoire, que ça soit bien rythmé, que ça respecte l'esprit de la musique, que ça soit beau, que je choisisse des beaux plans. Il y a tout un autre enjeu. Mais en tout cas, au niveau réseaux sociaux, consommation de l'image à notre époque, il faut taper fort, quoi. Ça, c'est une certitude. Je vois ça, mais du coup, si on en est là aujourd'hui, avec s'il se passe rien en 5-10 secondes, alors ça veut dire que ça peut poser problème. Où est-ce qu'on va en être dans 10 ans? Comment tu peux prédire une... Moi, je dirais que dans 10 ans, la notion même de clip et de pub va changer, en fait. Je pense que c'est... c'est comme quand avant, on allait voir un film qu'au cinéma. Ensuite, on est allé voir les films... On pouvait les avoir à la maison avec une VHS. Donc du coup, on pouvait les revoir. Donc on pouvait voir leurs défauts, beaucoup plus qu'au cinéma en y allant, parce que aller au cinéma, c'est une autre démarche. De ça est né, donc on devait attendre quand même qu'un film sorte au cinéma pour l'avoir en VHS des mois et des mois plus tard, donc l'avoir chez soi. Donc si on avait vraiment envie de voir un film, il fallait quand même aller au cinéma. Après ce système-là, il y a des films qui sont sortis directement sur VHS, bon, c'est pas des grands films, et il y a aussi eu la VOD, donc forcément, et le DVD, c'est à peu près le même système que la VHS, donc c'est pareil, et la VOD, donc la vidéo à la demande, a encore changé notre rapport de consommation au cinéma et aussi au clip et à la pub, hein, c'est la même chose. Donc du coup, on peut avoir chez soi, sans aller au cinéma, des choses qui sortent directement sur des plateformes de consommation. Donc, je vais pas toutes les citer, HBO, OCS en France, Netflix, évidemment, Canal+, Amazon Prime, etc. Donc tout ça, si on n'accepte pas ce changement que les gens maintenant consomment chez eux, sur leur téléphone, hein, c'est même pas iPad, hein, sur leur téléphone, des films de long métrage au content original Netflix, bah voilà, tout est dit. C'est-à-dire que tout évolue tout le temps, et si on n'accepte pas cette évolution, eh ben, on est en retard. Je veux dire, je vais pas être conservateur. Après, mais le cinéma... Tu trouves ça pertinent, ou t'es vraiment contre ce concept de regarder des grands longs métrages spectaculaires sur un téléphone dans le métro ? Je suis ni pour ni contre, parce que je fais la même chose que tout le monde. Je pense pas être mieux ou moins bien que la plupart des spectateurs. Y a plein de séries que je regarde sur mon téléphone et j'en ai absolument pas honte. Je trouve ça formidable d'avoir un objet aussi petit avec autant de données où je peux, pendant que je prends un métro ou un avion ou je ne sais quoi, voir un film de cinéma. Je serais tout autant ému sur mon téléphone que sur un grand écran. C'est du contenu narratif en général, c'est pas du contenu très spectaculaire sur des séries. Mais par exemple, voir 2001 l'Odyssée de l'espace sur un petit écran, ça te poserait aucun problème ? Je trouve ça dommage, je trouve ça triste, il a pas été pensé comme ça en fait. Donc, c'est-à-dire que moi, rien ne remplacera jamais le plaisir du cinéma, mais je peux pas être dogmatique et snob en me disant oh, tous ces cons qui regardent des films incroyables sur un téléphone. Non, le monde a évolué comme ça, et il a évolué pour une bonne raison comme ça. C'est-à-dire que les gens ont... C'est l'évolution logique d'un réseau social, en fait. Un réseau social ne fait que désociabiliser les gens. Le cinéma est un acte communautaire, social. On va se mélanger à d'autres gens, on va avoir des gens qui ont des émotions à côté de nous, et les gens sont tellement dans une protection d'eux-mêmes et une création virtuelle de leur bulle que il était inévitable que les gens regardent les films sur leur téléphone dans leur canapé chez eux le soir. Moi, ça me paraît totalement logique. Après, que ce soit bien ou pas bien, j'en sais rien. Il faut s'adapter, c'est-à-dire comment maintenant, moi, je propose... J'aime écrire de plus en plus, en plus du montage. Et déjà, quand j'écris des choses, ou quand j'aide des gens à écrire en faisant de la consultation d'écriture, même à une petite échelle, j'essaie toujours de me dire, OK, il y a quand même une forte probabilité que ces gens regardent les choses chez eux sur une tablette, au meilleur des cas. Donc, comment leur proposer quelque chose de qualité en effaçant l'étape du cinéma, du DVD, du Blu-ray, etc. Voilà. On va vers ça. Les gens vont de moins en moins au cinéma dans le monde. Ça, c'est un fait. Ça ne veut pas dire que les cinémas vont disparaître. Je pense qu'ils disparaîtront jamais. C'est comme la télé. Il y a des gens qui regardent beaucoup la télé, qui aiment toujours ça. Ça a baissé depuis les années 70-80, probablement. C'est logique. Mais après, les gens utilisent leur télé comme support visuel pour regarder du replay et de la VOD. Donc, oui. Plus de la télévision, les chaînes. Oui, ça est en train de décliner. Donc voilà, en tant que monteur, en tout cas, moi, je m'adapte. J'ai que 32 ans, donc j'ai connu toutes les mutations, en fait, ce qui est cool, parce que Même le passage de l'argentique au numérique. Ouais, j'ai connu cette évolution-là. Et tu penses qu'il va y avoir encore un autre passage ? Là, on est tellement dématérialisé, je ne vois plus trop vers quoi on va aller dans les prochaines années. Je pense que... J'imagine, en tout cas, que les gens, quelle que soit la technologie, qu'elle soit sur un écran en pellicule, une projection d'une pellicule sur un écran, qu'elle soit sur un iPhone, qu'elle soit sur une tablette, qu'elle soit au théâtre, sur un livre, les gens ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Quelle que soit l'époque, que ce soit sur des grottes où on peint, que ce soit sur un tableau, que ce soit sur un spectacle à la cour du roi, les gens aiment les histoires. Les gens aiment la dramaturgie. Ça pouvait s'appeler de la mythologie il y a plus de 2000 ans. Les gens, quelle que soit l'époque, ont un besoin d'un support et d'une matérialisation d'une histoire. Donc, pour moi, en fait, la seule chose que je vois de très positive là-dedans, c'est qu'on consomme de plus en plus de fiction. Donc, il y a de plus en plus de contenus fictionnels qui sont créés, il y a de plus en plus de gens qui travaillent, quel que soit le mode de projection ou de... Mais d'un autre côté, on voit plus ce qui ressort, parce qu'il y a tellement une surconsommation de beaucoup de contenus. Ah bah si, on voit que, par exemple que Joker qui sort au cinéma, ça amène tout le monde au cinéma. Donc non, il y a quand même un culte du cinéma qui est très fort encore en Inde, dans le Moyen-Orient, dans le monde entier, il y a toujours cette mystification du cinéma. Mais t'as pas peur qu'à force d'avancer dans le temps, on perde cette idée de film-événement ? Eh ben non. parce que c'est ce qu'on imaginait déjà maintenant. Les gens, il y a 20 ans, avaient très peur avec le DVD, puis le Blu-ray, puis la VOD, qui est quand même un sujet qui est là depuis 10 ans, déjà même un peu plus. Les gens avaient très peur que le cinéma juste meure, en fait, que la notion de salle de cinéma meure. Mais en fait, les gens vont peut-être un peu moins au cinéma, mais ils sont toujours fascinés par le cinéma. Le cinéma crée toujours des événements. Faut y a qu'un voir, je sais pas, les Oscars récompensent quand même plus de films de cinéma que de VOD, encore. Cannes s'ouvre un petit peu aussi. Voilà, mais les gens continueront d'aller au cinéma. Ça, j'en suis persuadé. C'est très optimiste. Oui, parce que malgré toutes les révolutions technologiques qu'a eu l'audiovisuel ces 20 dernières années, qui sont énormes, les gens continuent d'aller au cinéma. Donc, pour moi, le crash test est passé. Hein. Ça, c'est pas mal du tout. Et du coup, toi, personnellement, compte tenu de tous ces changements et de tout ce que tu as pu, entre guillemets, prédire, est-ce que tu comptes t'orienter vers un endroit en particulier ou tu comptes continuer comme ça, d'évoluer de manière la plus large possible ? Moi, je trouve ça super cool de travailler pour Netflix, de faire un truc, un documentaire de 52 minutes qui va aller à la télévision, de faire un long métrage qui va ensuite aller au cinéma avant tout et qui va ensuite devenir de la VOD. Moi, j'aime bien ce truc-là. Et j'aime bien aussi des clips qui vont sortir que sur YouTube et des pubs que les gens vont voir que dans des aéroports. Moi, j'aime bien cette diversité-là. T'aimes être polyvalent donc dans ton travail, voilà. Toucher un peu à tout. Ouais, j'ai toujours aimé ça. On m'a dit, moi, au début de ma carrière, attention Maxime, ne fais pas trop de pubs quand j'ai commencé à en faire. Tu ne pourras jamais faire du cinéma. Tu vas être étiqueté monteur de pub. Et ben, j'en suis à mon 7e long métrage, donc je pense que c'était un conseil très, très médiocre. Peut-être que c'est pour certaines personnes et que t'as été épargné ou... Je sais pas, en tout cas j'ai fait... Je pense pas qu'il s'agit de chance, je pense qu'il s'agit de travail. J'ai fait en sorte de rencontrer le plus de personnes possible dans la fiction. J'ai jamais arrêté de faire des courts-métrages aussi. J'ai même été à la FEMIS, pas en tant qu'étudiant, mais pour aider les étudiants à faire leurs films de fin d'études. Des gens que je connaissais ou que j'ai rencontrés. Donc non, j'ai toujours cultivé le fait de faire fiction, documentaire, long métrage, court métrage, clip pub, parce que pour moi en fait il n'y a aucune différence entre ces choses là il y a toujours une histoire à raconter quelle qu'elle soit. Et dans une pub il faut raconter quelque chose. Alors bon, certes il y a des pubs, il y a pub et pub, mais on va dire dans des pubs créatives il y a toujours là j'ai fait une grosse pub Ubisoft, Ghost Recon, c'est carrément un court métrage hollywoodien, des moyens énormes de scènes d'action, de guerre, et il y avait une histoire à raconter, des problèmes de scénario, en fait, et j'ai dû refaire la même chose que j'aurais fait sur un long métrage, en fait. Donc, quelque part, les catégories, les cases, les étiquettes, les trucs vont aller sur Netflix, certains autres vont aller au cinéma, etc. Au fond, dans l'essence du métier de monteur, il n'y a pas de différence. On affronte toujours les mêmes problèmes et les mêmes enjeux, c'est-à-dire raconter une histoire, rendre ça fluide et captiver les gens coûte que coûte. Voilà, ça marche pour un long métrage, ça marche pour un clip, ça marche pour tout en fait. Mon travail, moi, il va être plus minutieux en pub en termes de technique, c'est-à-dire que comme chaque seconde coûte une fortune en pub, évidemment, le choix du plan à l'image près, je peux avoir 50 prises d'un regard d'une femme qui se met du parfum, voilà, ça paraît absurde pour les gens de la fiction. Et c'est à toi de faire le choix, ou ça va être aussi à une équipe marketing ? C'est à moi d'orienter le choix, et ensuite je vais avoir une agence de pub qui va me dire « Oui, mais là, le geste n'est pas celui que l'on veut que nos clients fassent. » Donc, il y a tout un... C'est un univers un peu parallèle, où il y a des codes. La pub, c'est un univers très intéressant, en fait, parce que tu as des codes dans la pub, tu as des choses à respecter, des notions à respecter. Par exemple, dans une pub, tu as un pack shot. Déjà, ça, c'est inévitable. Un pack shot, c'est donc un plan produit en français. Et tu te dois de penser tout le film pour amener à la fin ce pack shot, c'est-à-dire qui doit au minimum durer 2 secondes. Ça, c'est les normes. Et qui doit peut-être des fois durer plus selon le nombre de choses qu'on a à dire sur le produit. Il faut plus de temps pour qu'une voix nous raconte la nouvelle Clio, blablabla. Donc c'est le moment où on va voir le produit avec la fiche technique, voilà. Et le titre. À quelques exceptions près, on ne montrera jamais vraiment le produit, comme peut le faire Nike, c'est dans toute la pub. Et il n'y a pas besoin de plus qu'un logo Nike à la fin. On ne va pas vendre un survêt. En général, Nike ne vend même pas des produits, en fait. Ils vendent une marque. Ils vendent leur image de marque. Donc, ça va être juste le logo Nike qui est tellement connu que... Même Apple aussi, des fois. Voilà, Apple va juste mettre une pomme à la fin et on aura compris que, de toute façon, ce n'était même pas pour vendre une montre ou un iPhone. C'est juste que Apple, on sait ce que c'est et qu'ils nous rappellent juste qu'ils existent pour qu'on aille voir un peu ce qu'ils ont fait de nouveau comme produit. Donc, la pub a ces codes-là. Et tu préfères ça aux pubs avec des vraies images marquées de fin ou... J'aime bien, moi, les pubs qui vont se rapprocher de la fiction ou d'un court-métrage ou qui vont être... Avec le storytelling. Ouais, voilà, ou qui vont être dans l'émotion, qui vont essayer d'être plus dans un micro-moment de cinéma. Ça, c'est ce que je préfère, ouais. Parce que ça me rapproche de ce que j'aime faire en fiction et c'est souvent aussi pour ça qu'on m'appelle, parce qu'on sait que j'ai une expérience... dans la narration, dans la fiction. En fait, les deux s'alimentent énormément. C'est-à-dire que, par exemple, je peux donner des exemples de transversalité. Par exemple, quand je monte un long-métrage, l'expérience de pub et surtout de clip m'a beaucoup aidé quand je dois raconter une séquence, on va dire, montage, c'est-à-dire que je dois mettre de la musique et je dois raconter 8 semaines en 1 minute. Donc je vais mettre plein de plans, de plein de séquences qu'on devait à l'origine, par exemple, je sais pas, elle coupe du bois, imaginons un personnage, elle coupe du bois, elle apprend à couper du bois, elle coupe du bois, elle assemble une maison, elle commence à faire la structure, ensuite elle apprend à faire des murs. Imaginons que c'est une femme voilà, qui apprend ça dans un monde d'hommes. Et ben, grâce à l'expérience que j'ai en clip, je saurais quel plan... prendre pour minimiser le temps de chaque étape et faire une séquence de 2 minutes où je vois le personnage évoluer sur 6 mois. Au lieu d'avoir 15 scènes qui vont durer genre 10 minutes dans le film, je vais piocher et ça, l'expérience du clip ou de la pub va m'aider parce que je sais comment prendre l'image parmi 5 ou 6 plans. Je sais quel est le plan et combien de temps il doit durer pour qu'il soit le plus expressif possible d'une narration. Donc t'as dû piocher des éléments dans chacun des pôles que tu as. Ouais, par exemple pour Mobile Home, il y a un film un long métrage que j'ai commenté il y a quelques années. Il y a à un moment donné, le personnage principal, qui est une femme d'ailleurs, s'intègre dans une communauté, apprend à rénover des maisons, etc. C'est pour ça que je donnais cet exemple-là. Et en fait, c'était compliqué d'avoir toutes les scènes dialoguées qui étaient prévues pour voir qu'elle avance de manière assez linéaire. On s'est dit il faut accélérer le film, on s'ennuie à ce moment dans le film, et là j'ai dit bah, il nous faut une musique, on a trouvé une musique, on a fait appel à un compositeur si ma mémoire est bonne, et on a commencé à ellipser, et ça je l'ai monté exactement comme dans un clip, et mon expérience de clip là m'aide énormément dans ce cas de figure, parce que je sais comment synthétiser. Si j'en avais pas fait, j'aurais plus de mal à me défaire du fait de faire un film réaliste avec des micro-ellipses et peut-être mettre un texte genre 6 mois plus tard, faire un fondu au noir, etc. Donc la pub et le clip m'apprennent à être plus synthétique dans la fiction. En revanche, le clip... par exemple, dans la pub et dans le clip, la fiction m'apprenne à utiliser moins de plans, à être plus fluide et à me concentrer sur le jeu d'acteur. Par exemple, j'ai monté une pub avec Maïwenn pour la SNCF. Il y a d'ailleurs eu plusieurs volets qui vont sortir. Il y en a encore une qui va sortir, là. Et là, l'approche, évidemment, avec Maïwenn, ça va pas être une approche de pub. On va pas du tout être dans un truc très haché, très clipesque, avec plein de plans, des effets visuels. Non, ça va être des courts-métrages, et on doit raconter un maximum de choses en 1 minute. Et ça doit être comme un extrait de long-métrage, quoi. Donc très fluide, pas de heurts, la fluidité de la fiction. Et ça, quand on n'a pas monté de fiction, c'est presque impossible d'arriver à ce niveau-là dans une pub. C'est donc les deux, pour moi, dans ma carrière, communiquent. Donc ça veut dire, si je dois résumer à peu près ce que tu viens de dire, pour les monteurs à en devenir, ou même les artistes en général à en devenir, il faut aller toucher à plusieurs pôles pour vraiment se former une expérience solide qui va nous permettre d'exceller partout. Ou, dis-moi, c'est quoi à peu près ? Tu peux reformuler cette question, j'ai pas bien compris. Pour les artistes à en devenir, ou les monteurs à en devenir en général, il faut aller toucher à plusieurs pôles pour développer une expertise conséquente, ou il faut vraiment se recentrer ? Non, il faut écouter ses intuitions et ses goûts. C'est-à-dire que le long métrage, c'est difficile, par exemple. C'est épuisant. C'est une aventure de plusieurs mois. Si on n'aime pas le fait de travailler sur un projet et de se poser des questions... Voilà. Moi, je comprends, par exemple, les monteurs ou les monteuses qui vont travailler uniquement sur du clip ou de la pub parce qu'elles n'ont pas envie que les projets durent trop longtemps et qu'elles sont douées pour faire des choses très rythmées. Par exemple, des monteurs plus truquistes qui vont faire plein d'effets, qui aiment... Il y a des gens qui aiment ça et je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour eux. En tout cas, eux-mêmes le savent. Il n'est pas nécessaire qu'ils aillent vers quelque chose de plus long, une forme plus longue, etc. Il y a beaucoup de gens d'autre part qui font que du long métrage et qui sont très très inconfortables en pub, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas envie de monter des choses aussi rapides, etc. Donc peut-être que je dois être un peu un monteur schizophrène, je sais pas, mais... Très torturé. peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi, l'un ne m'empêche pas de passer à l'autre, et je dirais plutôt que l'un alimente l'autre. Donc je sais pas, je pense que chaque monteur a son approche à avoir, et j'ai absolument aucune recommandation sur ce qu'il faut faire. Il y a vraiment des gens qui se spécialisent dans un truc et moi des fois j'ai pas envie de fiction pendant longtemps, ça m'a tellement pris d'énergie. Puis voilà, il y a un truc, c'est que quand on enchaîne des projets rapides, émotionnellement on s'implique moins qu'un long métrage. Émotionnellement on s'implique beaucoup parce qu'on est tout le temps avec le réalisateur et avec la réalisatrice, donc un lien affectif se fait aussi dans le montage, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste des collègues, on va affronter des épreuves ensemble, on devient des amis, en général, très proches, et on devient un soutien, ou on s'engueule. Donc le long métrage, c'est aussi affaire de beaucoup de patience et d'analyse humaine. Donc, y a des gens qui ne sont pas doués pour ça non plus, enfin, ou en tout cas qui se sentent mal à l'aise de voir une même personne pendant 4 mois et d'affronter des gros problèmes, quoi. Donc le long métrage, c'est affaire d'investissement tellement énorme. Court métrage, un peu moins, ça dure moins longtemps, donc ça va. Mais un long métrage peut vraiment, en tant que monteur, nous secouer. Et puis, il ne faut pas oublier un truc dont on parle rarement. Un monteur ou une monteuse, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Parce que si on ne se met pas dans la peau des personnages, ce qu'ils traversent, et essayer de les comprendre, et encore plus en documentaire, si on aime... S'il n'y a pas un peu un acte d'amour, on va dire, ou de fascination envers les gens qui sont dans le film, on passe à côté. Et du coup, sur une scène très violente ou très dure, moi, je me prends les émotions en plein dans la gueule, parce que si je ne les ressens pas, comment je peux les faire ressentir aux gens qui sont dans une salle de cinéma ou sur Netflix, peu importe, mais comment je peux, si je ne mets pas un peu de mes émotions et de mon vécu à moi dans une scène, la façon de la monter, le rythme, les choix que je fais de jeu avec le réalisateur, si j'aime, voilà, moi il m'arrive souvent de pleurer en montage à la fin d'une journée parce que j'ai pas éprouvé ce qu'avait le personnage, mais j'ai dû chercher en moi ce qui m'a fait souffrir dans ma vie pour bien alimenter cette scène et amener de la mélancolie, de la nostalgie, voilà. Donc je mets en jeu mes propres émotions pour un film de long métrage, qui va rarement m'arriver dans une pub, à part si c'est un truc, une cause, un truc violent ou des choses comme ça. Ouais. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir échangé sur ce sujet. Petite tradition assez nouvelle, parce que du coup, tu vas inaugurer cette tradition. Si tu devais voir quelqu'un à ta place sur ce fauteuil pour parler du futur de l'art et de son rapport avec l'art en général, tu verrais qui ? Dans le même corps de métier ? Pas forcément, tu peux prendre quelqu'un vraiment aucun rapport. C'est vraiment sans toi libre de prendre qui tu veux. Ça peut être un magicien, Donc dans l'art en général. Quelqu'un qui a un rapport avec l'art, c'est ça. Moi je verrais bien Charlène Favier, qui a réalisé Slalom, avec qui j'ai travaillé, parce qu'elle a un point de vue extrêmement intéressant sur l'écriture. J'ai beaucoup aimé ça sur la réalisation. Elle a une forme de pédagogie que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé travailler avec elle et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire très intéressantes. Génial. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. N'hésitez pas à aimer ce podcast sur Spotify ou iTunes ou Deezer en fonction de là où vous l'écoutez. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine édition et on vous dit salut.